embaumés, revient suivi des amours et de flots. Aime demain qui n'a jamais aimé, qui fut amant, demain le soit encore. Le riche automne a ses treillants clos, l'hiver frileux, son manteau de glaçons, mais le printemps à l'amour et les roses. Le printemps embaumé revient suivi des amours et de flots. Aime demain qui n'a jamais aimé, qui fut amant, demain le soit encore.